de gitan, c'est un gars curieux. Une gueule toute noire, des travaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle. Promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Et un paysage sort de ses yeux, en faute le gitan.